à la science, aspirent pour vous plaire. Et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire raisonner, et l'emploi de toute ma maison. Et leur raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon roux en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des verres quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs et ne suis point servi. Pauvre servante, au moins m'est-il resté, qui de ce mauvais air n'était point infecté, et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler rouge, là. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me plaise, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trichotin, c'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des bilvesés. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fait. Quelle bassesse, ô ciel, et d'âme et de langage. Est-il de petit corps un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois, et de ce même sang, ce peut-il que je sois. Je me veux mal de mort d'être de votre race, et de confus